Juges chapitre 17. Or il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, duquel le nom était Mica, qui dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qui te furent prises, pour lesquelles tu fis des imprécations, en ma présence, voici, j'ai cet argent-là par devers moi, je l'avais pris. » Alors sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Et quand il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent, sa mère dit, « J'avais entièrement dédié de ma main, cet argent à l'Éternel pour mon fils, afin d'en faire une image taillée, et une de fonte, ainsi je te le rendrai maintenant. » Après donc qu'il eut rendu cet argent à sa mère, elle en prit 200 pièces, et les donna au fondeur, qui en fit une image taillée, et une de fonte, et elles furent dans la maison de Mica. Ainsi cet homme, savoir Mica, eut une maison de Dieu, et fit un éphod et des théraphim, et consacra l'un de ses fils, qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait être droit. Or il y eut un jeune homme de Bethléem de Juda, ville de la famille de Juda, qui était lévite, et qui avait fait là son séjour, lequel partit de cette ville-là, savoir de Bethléem de Juda, pour aller demeurer où il trouverait sa commodité, et continuant son chemin, il vint en la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mica. Et Mica lui dit, « D'où viens-tu ? » Le Lévite lui répondit, « Je suis de Bethléem de Juda, et je m'en vais pour demeurer où je trouverai ma commodité. » Et Mica lui dit, « Demeure avec moi, et sois moi pour père et pour sacrificateur, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, et ce que tes habits coûteront, et ta nourriture. » Et le Lévite y alla. Ainsi le Lévite convint de demeurer avec cet homme-là, et ce jeune homme lui fut comme l'un de ses enfants. Et Mica consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de sacrificateur, et demeura en sa maison. Alors Mica dit, « Maintenant je connais que l'Éternel me fera du bien, parce que j'ai un Lévite pour sacrificateur. »